that's my love. She hides away like a ghost. Cold sheets, always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we ain't the same? Ooh, don't I cry, but I break that way. Just come home. Pendant les fêtes de fin d'année. Oh, oh, oh, joyeux Noël sur Studek Web. Libre comme l'air, les pieds sur terre, tout me fascine. Sur tes courbes, je m'imagine. Toujours sereine, toujours sirène, je te dessine. Quand tu es nu dans ma piscine, je suis seul dans mon délire. Je suis un peu seul. Sur terre, je te devine allongé sur ta colline. Super bohème, super woman, tu me domines sous tes grands airs de rookie. Je suis seul dans mon délire, je fais un peu seul de mes désirs, je consens. comme ça. C'est comme ça. Embrasse-moi comme ça. Embrasse-moi comme ça. Donne-moi un bout de toi. Donne-moi un bout de toi, embrasse-moi, embrasse-moi. Studek Web, my favorite radio. Une école, une radio et vous. De la bonne humeur et du live, c'est Studek Web. Time to say goodbye. Don't leave me alone, just stay for the night. I need you tonight. Oh, it's 3 in the morning. When you want some, you phone me. One word in Espanol, babe. And I come and you know. Girls in Haiti, they throw it. Girl, I'm down for your loving.

free. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn. Fresh out East Atlanta. Up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey. Take it on me. Hey. Try to crave it on me. Get the beating on me. This is history and I'm making homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby. Atlanta,